Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. À part un ou deux marchands d'estampes, il ne connaissait personne dans le milieu de la peinture, ni amateur de peinture, ni critique, ni peintre. Comment allait-il devenir l'un des plus grands marchands de tableaux de son siècle ? En s'intéressant dès le départ à la peinture vivante. Au début des années 60, Francis Crémieux s'entretenait sur France 3 nationale avec Daniel-Henri Kahnweiler. Nous étions précisément le 18 avril 1961. Veuillez écouter une émission de Francis Crémieux, entretien avec Daniel-Henri Kahnweiler. Comment je suis devenu marchand de tableaux. Monsieur Kahnweiler, vous êtes né le 25 juin 1884 à Mannheim. Vos parents étaient de bons bourgeois allemands s'occupant d'affaires financières. Ils représentaient notamment l'un de vos oncles installé à Londres, qui lui était un grand brasseur d'affaires. Il avait été en effet l'un des fondateurs des mines d'or et de diamants d'Afrique du Sud. Vous avez fait vos études secondaires à Stuttgart, où votre famille s'était installée, puis à l'âge de 18 ans, vos parents, qui vous destinaient à la finance, vous ont envoyé comme stagiaire chez un agent de change à Paris en 1902. C'est vrai, mais j'étais un drôle de stagiaire, un drôle de boursier. Évidemment, il fallait bien que je me rende à la bourse à midi, après avoir déjeuné à la charge, comme cela se faisait alors, mais je ne faisais qu'une courte apparition autour de la corbeille, près de mon patron, et au moment où la cloche qui annonçait le début de la bourse avait sonné, je m'en allais au Louvre pour ne revenir qu'à 3 heures, au coup de cloche qui annonçait la clôture. J'allais au Louvre d'abord, puis un peu plus tard aussi au Luxembourg. D'ailleurs, toute ma vie d'alors était une bien étrange vie pour un boursier. Toutefois, c'est un boursier, un de mes collègues, qui a été en partie mon modèle. J'ai fait la connaissance là d'un homme qui s'appelait Eugène Régnier et qui a eu une très grosse influence sur ma vie. C'était un homme remarquable et je ne regrette qu'une chose, c'est qu'il n'ait pas lâché la bourse pour se lancer, par exemple, dans la vie du théâtre, car il était ami de Lugnier Pau. Pour vous donner une idée de ses goûts et qui sont devenus les miens, il s'en allait, par exemple, le samedi soir à Marseille. Il voyageait toute la nuit. Il passait la journée à Marseille. Et le lundi matin, par le train, il était de retour à Paris. J'avais avec lui immédiatement de grandes conversations, évidemment, sur les beaux-arts, sur la littérature, sur la musique. Et puis, le 5 novembre 1904, je me suis marié. Ma femme avait les mêmes goûts que moi, ou peut-être lui ai-je fait partager mes goûts. Nous continuons les voyages, alors évidemment un peu moins rapides. Nous commencions par une sorte de voyage de noces en Hollande immédiatement, en hiver 1904, par un voyage en Italie très peu de temps après, et ainsi de suite. Cette vie a duré près de 3 ans, mais alors mes parents, ayant insisté pour que j'aille à Londres, nous nous sommes rendus à Londres. Là, j'ai travaillé, si l'on peut dire, dans le bureau de mon oncle dont vous avez parlé au début. Je n'ai pas été plus actif, je dois l'avouer, qu'à Paris. J'ai continué les visites de musées. Là, c'était la National Gallery, la Wallace Collection ou le Victoria and Albert Museum. J'ai continué avec ma femme les voyages. Ma vie a été la même qu'à Paris. En 1907, les stages parisiens et londoniens étant terminés, Vous avez décidé d'abandonner les affaires financières et d'ouvrir une galerie de tableaux. Dans quelles conditions avez-vous franchi le Rubicon ? Mes oncles, un beau jour, ont eu l'idée qu'il fallait maintenant que je connaisse leurs affaires en Afrique du Sud. Mon oncle Sigmund avait un bureau à Johannesburg, donc il fallait que j'aille là-bas. J'ai demandé à leur parler sérieusement et je leur ai dit, voilà, ce que je fais ici, ce que j'ai fait auparavant, je ne ferai jamais rien de bon là-dedans. Ce que je voudrais être, c'est marchand de tableaux. Comme ils étaient des gens sérieux, ils me dirent, voilà, tout ça c'est très bien, mais il faut tout de même qu'on voit un peu plus clair là-dedans. Tu vas aller voir un de nos amis, Vertemer, il va te faire subir une sorte d'examen. Ce brave monsieur Vertemer, qui était certainement un marchand excellent, qui avait, je suppose, de bons tableaux dans la ligne qui était la sienne, était assez embarrassé en face de moi. Il me posait des questions telles que celle-ci. À la National Gallery, qu'est-ce que vous aimez ? Je savais très bien ce qu'il aurait voulu que je réponde. Il aurait voulu que je dise, j'aime les grands portraitistes anglais du 18e. Il aurait accepté encore que je dise Rubens, par exemple, ou même Velázquez. Mais je ne sais quel démon m'a poussé à lui dire des noms dont je savais d'avance qu'il lui déplairait. En tout cas, qu'il ne les estimerait pas comme moi. Je lui dis donc, ce que j'aime, c'est le Gréco. Le Gréco, à ce moment-là, commençait à sortir de l'obscurité de plusieurs siècles pour devenir le grand nom qu'il est redevenu maintenant. Il me paraissait assez étonné. Et encore, je lui dis, bien, et Vermeer de Delft. Il me dit, bien sûr, mais... Enfin, cet examen n'était pas du tout, je crois, ce qu'il aurait voulu, lui. Mais ça devait être un homme gentil. Et alors, évidemment, il passait au nœud de la question en me demandant, et à Paris, qu'est-ce que vous comptez vendre ? Il faut vous imaginer qu'à ce moment-là, à Londres, on ignorait entièrement la peinture française d'alors. Les impressionnistes étaient à peine connus. Il y avait eu une vague exposition dans une petite galerie qui s'appelait la New Gallery, où on avait montré toutefois les impressionnistes et quelques œuvres de ce que nous appelons aujourd'hui les nabis. Je me suis dit, si je lui parle des peintres auxquels je pense vraiment, il ne les connaîtra pas. Peut-être connaîtra-t-il Vuillard et Bonnard. Et ce sont donc ça, les noms qui me sont venus. Il disait, je ne connais pas. Mais enfin, il a dû tout de même faire un rapport relativement favorable à mes oncles. Et eux, je dois le dire et le redire, devaient être des gens tout de même assez ouverts, puisqu'ils m'ont fait la proposition suivante. Tu vas aller à Paris. Tu vas ouvrir une galerie, puisque c'est ça que tu veux faire. Nous te donnons 1000 livres, c'est-à-dire 25 000 francs d'alors, 25 000 francs or. Et un an. Si après un an, cette galerie a pris pied, c'est-à-dire si tu peux la faire vivre toi-même et ta femme, et faire enfin, tes affaires, tu peux continuer. Sinon, tu reviens dans notre métier. Comment expliquez-vous ce côté provocateur, cet anticonformisme ? Monsieur Vertemer était-il le type du marchand de tableaux que vous n'auriez pas voulu être ? Exactement. Il était le type du marchand de tableaux qui fournissait à ses acheteurs la marchandise qu'il désirait. Moi, je voulais être un marchand de tableaux qui offrait à l'admiration publique, si je puis dire, des peintres que le public ne connaissait absolument pas et auxquels il fallait frayer une voie. Mais est-ce que vous ne craignez pas de compromettre le résultat du rapport de M. Vertemer à vos oncles en étant un peu insolent comme vous l'avez été ? C'est pourquoi je vous disais, je ne sais quel démon m'a saisi, je ne sais pas à l'heure actuelle encore pourquoi je n'ai pas fait le malin, tout en racontant exactement à M. Vertemer ce qu'il voulait entendre. Mais peut-être ça ne m'a pas été possible. Vous avez fait preuve donc d'un manque total d'opportunisme dans ce petit examen. C'est vrai. Et ainsi, vous vous êtes ouvert à la fois la porte de cette profession est la porte de votre boutique. Mais avant de regarder ce qui est accroché dans cette boutique de la rue Vignon, voulez-vous que nous regardions un peu vos cartons et que nous regardions ce que vous aviez acheté lorsque vous alliez passer 3 heures au Louvre ou à la National Gallery? Qu'aviez-vous déjà en main? Qu'achetiez-vous? C'est bien simple. Et c'est important quand j'y repense parce que ça montre qu'au début, il n'y avait pas du tout une idée mercantile. Je m'achetais des photographies, des œuvres que j'aimais. C'est ça que je mettais au mur d'abord. Ça n'est qu'ensuite qu'en passant devant des boutiques qui vendent des gravures que je me suis aperçu que les peintres que j'aimais avaient également gravé, avaient créé des estampes et que ces estampes ne valaient pas très cher et je pouvais les acquérir. En vous parlant de mes visites au Louvre, je ne vous ai pas parlé de mes visites au salon, car enfin, après un court apprentissage au Louvre et ensuite au Luxembourg dont je vous ai parlé, je ne me suis pas contenté de ce qui était dans les musées. J'ai voulu voir ce qui se faisait. Je vous allais donc voir les salons, tous les salons. C'est surtout le salon des indépendants, vraiment, dans lequel, enfin, j'ai trouvé la peinture vivante d'alors. C'est là que j'ai trouvé, à l'exception de Picasso, qui n'y exposait pas, les peintres dont j'ai été ensuite l'ami et le défenseur. Alors, vous aviez donc des lithographies et des eaux-fortes de Bonnard, de Vuillard et de qui encore? Eh bien, évidemment, des grands aînés que j'admirais. J'avais les deux lithographies de Cézanne, j'avais pas mal de lithographies de Lautrec, j'avais les très belles lithographies de Manet, la barricade, ces choses-là. J'essayais de collectionner les gravures, les estampes des peintres dont j'aimais en même temps les tableaux. J'avais aussi une des lithographies de Renoir, par exemple. Voilà à peu près qui vous montre le genre de la petite collection que j'avais formée. Et vous alliez chez Vollard avant d'être... Je n'aurais jamais osé, n'est-ce pas, ouvrir la porte d'une galerie. J'entrais chez le petit marchand d'estampes qui s'appelait Le VL et qui était alors rue Lafayette. Jamais je n'aurais osé pénétrer dans une galerie. Je ne savais pas que ça pouvait se faire, qu'on pouvait entrer dans une galerie. Je ne connaissais aucune. J'avais vu des expositions publiques, évidemment, chez Durand-Ruel. J'avais vu notamment chez Durand-Ruel, en 1904, l'exposition des tableaux de Monet de Londres, la série de la Tamise. Mais froidement pénétrer dans une galerie où il n'y avait pas une exposition publique, jamais je n'aurais osé. J'étais un jeune homme timide. Enfin, vous étiez déjà un homme. En 1906-7, vous aviez 22-23 ans. Oui, 22 ans. Oui, enfin, j'allais avoir 23 ans quand j'ai ouvert ma petite galerie, oui. Mais à cette époque, 1907, le nombre des galeries se comptait sur les doigts d'une main. Mettons des deux mains en y ajoutant des gens qui étaient des marchands de tableaux ayant boutique et pignon sur rue. Mais si vous entendez simplement par galerie, dans le sens que nous donnons maintenant, en effet, il n'y avait presque pas. Mais il y avait, évidemment, à cette époque-là, les deux grands marchands de tableaux que je mets très haut, qui sont mes maîtres, si je puis dire ainsi. Il y avait Durand-Ruel, il y avait Vollard. Vollard avait cette boutique biscornue et fantasque qu'il a toujours eue, avec un vieux cadre dans l'aventure et rien d'autre, tandis que Durand-Ruel avait des belles salles d'exposition et la galerie donnait d'une part sur la rue Lafitte et d'autre part sur le rue Pelletier avec cette grande galerie d'exposition au milieu. Et lui faisait des expositions. Et notamment là, j'ai vu l'exposition en 1904 des tableaux de Monet de Londres et la Tamise. Je me rappelle d'ailleurs une chose qui est intéressante et qui est également une leçon de modestie pour l'avenir. J'ai vu deux cochers de fiacre arrêtés devant la devanture de Durand-Ruel, crispés de haine, convulsés, les poings serrés en disant « il faut enfoncer la devanture d'une boutique qui montre des saloperies pareilles ». Or, vous le savez comme moi, un tableau de Londres de la Tamise paraît aujourd'hui la figuration la plus naturelle, la plus réaliste et la plus poétique en même temps qu'on puisse imaginer. À cette époque-là, ces gens-là devaient voir quelque chose, mais devaient le voir déformé de telle façon que ça les choquait. Voyez-vous, ça aussi, c'est très significatif. Cette peinture d'aujourd'hui, qui s'appelle abstraite et tachiste, n'est pas scandaleuse. Elle n'est pas scandaleuse du tout, et elle ne peut pas l'être, parce qu'elle n'est pas figurative. La peinture a un rôle très noble. La peinture est une écriture. La peinture nous fait voir, à nous, le monde extérieur. Elle crée le monde extérieur des hommes. Et comme cette création est nouvelle, comme les signes inventés pour cette peinture sont nouveaux, c'est alors que naît cette gêne, ce conflit qui fait que les gens voient une déformation, voient des objets, mais ne les voient plus du tout comme ils sont accoutumés de les voir. C'est ça qui crée le scandale. Quand une peinture est purement hédoniste, quand elle ne n'essaie que de grouper d'agréables couleurs sur une toile, elle ne peut pas être choquante. C'est ce qui me fait penser que la peinture abstraite des tachistes d'aujourd'hui remplace purement et simplement la peinture de Bouguereau et des autres maîtres du Salon des artistes français, qui, eux, voulaient charmer les spectateurs par des belles cuisses de dames. Et aujourd'hui, nous voyons des peintres qui veulent charmer par d'agréables arrangements de couleurs. Parce que même un désagréable arrangement de couleurs peut être agréable dans de certaines circonstances. En tout cas, il n'y a plus là le conflit qui naissait avec les peintres impressionnistes et tous ceux qui ont suivi après. Pour en revenir à ces marchands de tableaux, il n'y a pas très longtemps qu'est venue l'idée que ce sont au fond les grands peintres qui créaient les grands marchands. Chaque époque de grande peinture a eu son marchand. Il y a eu Durand-Ruel pour les impressionnistes, il y a eu Vollard pour tous ceux qui ont suivi, tant enfin Cézanne que Gauguin, qu'ensuite les Nabis et bien d'autres peintres. Puisque voilà, malgré tout, a été le premier à montrer des choses de Picasso, d'un Picasso inconnu, et en 1901 déjà. Est-ce que vous établissez un rapport de cause à effet entre la prolifération des lieux où l'on vend la peinture aujourd'hui à Paris et la situation de la peinture? Est-ce que vous croyez que cette multiplication des galeries peut sous-entendre un certain piétinement de la création artistique? Non, je ne le pense pas. J'y vois un pur phénomène économique. Revenons en 1907. Lorsque vous avez ouvert la boutique de la rue Vignon, qui connaissiez-vous? Je ne connaissais personne. Je ne connaissais à Paris que les gens de la Bourse que j'avais fréquentés pendant mon travail à la Bourse, je connaissais un ou deux marchands d'estampes chez qui j'achetais des estampes, c'est tout. Je ne connaissais ni marchand, ni amateur, ni peintre, ni critique. Alors? Eh bien, c'est bien simple. J'avais toujours visité chaque année le Salon des Indépendants, qui était vraiment alors la pépinière de l'art moderne, où tout le monde, à la seule exception du Picasso, a exposé. J'allais donc le 21 mars aux Indépendants, ça ouvrait toujours à cette époque-là, et là, je me suis mis à acheter quelques tableaux. Des tableaux de Dorin et de Vlaminck. C'était la pleine époque fauve. Après m'être rendu au secrétariat et avoir demandé le prix des tableaux, dans ma naïveté, j'ai accepté immédiatement le prix demandé. J'ai su plus tard qu'évidemment, non seulement tout le monde marchandait, mais qu'encore un marchand, un futur marchand même, avait droit à une sensible réduction. Je n'en savais rien. J'achetais les tableaux exactement au prix demandé. Après la fermeture au mois d'avril, et Dorin et Vlaminck vinrent dans mon petit logement de la rue Théophile Gautier pour m'apporter les tableaux. C'est ainsi que j'ai rencontré Dorin et Vlaminck. Et vous leur avez dit que vous aviez décidé de faire le métier de marchand de tableaux. Bien entendu, je les ai mis au courant immédiatement et je leur ai dit que je désirais acheter d'autres tableaux d'eux. Ça s'est même arrangé, en somme, très vite. Il y a une chose très curieuse que je n'ai su que beaucoup plus tard. Vlaminck a publié, il y a très peu de temps, les lettres que Dorin lui a adressées de 1904 ans environ jusqu'en 1915. Or, il y a quelques notes de Vlaminck qui accompagnent ces lettres. Et Vlaminck dit là qu'il avait mis alors Vollard au courant de ce que je voulais faire. Je lui avais dit immédiatement que je désirais acheter toute sa production. Or, Vollard lui aurait dit « Acceptez donc, ça répandra votre peinture », qui est une chose très curieuse et montre bien la psychologie très spéciale de Vollard. Je me vois, moi, un peintre qui m'aurait dit ça, mais je lui aurais sauté à la figure, j'aurais dit « Mais vous êtes fou, mon ami, et je vous achète là, qu'est-ce que vous avez besoin d'un petit jeune homme qui arrive à Paris, n'est-ce pas ?» Or, Vlaminck assure que Vollard lui aurait dit « Acceptez ». Et Vlaminck conclut, c'est ainsi qu'un jeune Allemand de 25 ans est arrivé à posséder les tableaux des plus grands peintres français d'alors. Il vieillissait d'ailleurs de 3 ans, je n'avais que 22 ans. Mais lorsque vous preniez ces contacts avec ces peintres, quel contrat faisiez-vous avec eux? Qu'est-ce que ça veut dire acheter toute la production? Mais j'ai vraiment fait des contrats alors. C'est quelque chose que je ne fais plus jamais maintenant. Maintenant, quand je fais des affaires avec les peintres, c'est la bonne foi la plus entière des deux côtés. Et vraiment, je n'ai jamais été déçu, mais sans rien d'écrit. Tandis qu'alors, j'ai véritablement fait des contrats. Pour toute la production, le peintre s'engageait à me vendre toute la production, et moi je m'engageais à l'acheter, et on fixait des prix au numéro, comme on a toujours fait, c'est-à-dire d'après la dimension, et voilà. Et alors, maintenant, les premiers contacts avec la clientèle. Ces toiles dont vous aviez l'exclusivité, vous les avez montrées. J'ai accroché ces tableaux, en effet, sur les murs, évidemment. Ça s'est augmenté assez rapidement. D'autres peintres, j'ai acheté immédiatement après, également avant Dongen, que j'avais connu, je ne me rappelle plus exactement si c'est par les indépendants, directement ou indirectement, mais lui aussi exposé dans cette même salle des Fauves. Et Barak y a exposé également. Il y avait donc déjà ces quatre peintres à ce moment-là, n'est-ce pas? Eh bien, j'accrochais donc ces tableaux. Il faut vous dire qu'alors, il n'y avait pas des centaines de galeries à Paris. Il y en avait une dizaine, peut-être, qui s'occupaient de peintures autres que bassement commerciales, si je puis dire. Et encore. Donc, une nouvelle petite galerie, si petite fut-elle, attirait tout de même un peu l'attention. Et les gens vinrent, évidemment, me voir. Mais il y a eu une inauguration de cette... Non, il n'y a pas eu d'inauguration. Un beau jour, quand c'était prêt, eh bien, j'ai monté le rideau de fer, j'ai engagé un petit gosse qui s'appelait Georges et qui était un peu faible d'esprit, et voilà, j'ai ouvert. Voilà. La première personne qui est entrée, qui est... Je crois bien que le premier client, véritablement, a été un ami très cher, qui est resté encore, à l'heure actuelle, mon ami, 50 ans plus tard, Hermann Rupf à Berne, que j'avais connu, moi, quelques années plus tôt. C'est lui qui a été, je pense, le premier acheteur. Et quels étaient vos autres clients? Eh bien, il y a eu... Un des tout premiers a été quelqu'un dont le nom est resté, comme un très grand collectionneur, Roger Dutilleul, qui est mort il y a 2 ou 3 ans, et dont le neveu, Jean Mazurel, à Roubaix, possède actuellement l'admirable collection. C'est lui vraiment qui a été mon premier client à Paris, je pense. C'était des clients aisés, assez riches. Dutilleul était plutôt riche, je pense. Rupf n'était pas très riche alors, c'était un très jeune homme. Mais enfin, les tableaux étaient très bon marché aussi, il faut vous dire que... Même, évidemment, quand on multiplie par 200 ou tout ce que vous voudrez actuellement pour retrouver la même valeur or... Peut-être que ça n'est pas tout à fait juste non plus. Que voulez-vous quand un tableau coûtait 100 francs? C'était tout de même pas une somme énorme. Par rapport au coût de la vie, par rapport au prix d'un déjeuner. Donc, ce n'étaient pas des gens très riches. Il y avait très peu de temps après, il y a eu un homme très riche, en effet, qui s'est mis à acheter, qui était devenu mon client. C'est Serge Tchoukin, le grand collectionneur russe. Lui était très riche, immensément riche. Il achetait énormément. Et quand avez-vous vu arriver Picasso? Eh bien, je vais vous raconter ça. Car c'est comme ça que vous l'avez connu. Voyez, alors voilà. Un beau jour, j'étais dans cette petite boutique et je vis entrer un jeune homme qui me paraissait enfin assez remarquable. Il avait des cheveux là, noirs de corbeau. Il était petit, mal habillé, avec des souliers poussiéreux et pantalons mauvais état, très, très, très pauvrement habillé et avec des yeux qui me paraissaient magnifiques. Ce jeune homme, sans rien dire, se mit à regarder les tableaux, faisant le tour de la petite boutique qui avait environ 4 mètres sur 4, très petite, et s'en fut. Le lendemain, je le vis revenir en fiacre, avec un monsieur qui me paraissait à moi, un monsieur d'un certain âge, car j'étais très jeune, mais qui ne devait pas avoir plus de 45 ans, je suppose alors, un monsieur barbu, plutôt gros, et les deux, également sans rien dire, firent le tour de la galerie, et ça l'allèrent. Or, j'avais entendu parler à cette époque-là, et notamment par quelqu'un dont j'avais fait la connaissance aussi, et qui était devenu déjà également un client, un homme à la mémoire duquel j'ai gardé un souvenir ému, Wilhelm Uhde, l'écrivain et historien d'art allemand. Wilhelm Uhde habitait Paris depuis 1900 sans interruption. Il connaissait tout le monde, il connaissait beaucoup de peintres. Et c'est lui qui, le premier, me parla d'un étrange tableau que Picasso était en train de peindre. Un tableau, disait-il, il a l'air, comment dirais-je, assyrien, quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose de tout à fait étrange. C'était une chose que je voulais voir. Je ne connaissais pas Picasso, mais je connaissais son nom. J'avais vu, notamment, beaucoup de dessins de lui à la devanture d'un marchand de tableaux d'alors, Clovis Sago, un petit marchand de tableaux de la rue Lafitte. Un vieil homme, courageux, vraiment, et qui, avec ses petits moyens, vraiment essayait de bien faire. Donc, un beau jour, je me mis en route, ça avait l'adresse, 13 rue Ravignan. La première fois alors, je suis monté ces escaliers de la place Ravignan, que j'ai tant foulé plus tard, pour entrer dans cette étrange bâtisse qu'on a appelée, comme vous le savez, le bateau lavoir plus tard. Bateau lavoir, pourquoi? Parce qu'il était en bois et en verre, comme ces bateaux qui existaient encore alors, où les ménagères venaient laver leur linge dans la Seine. Il fallait demander à la maison d'à côté, à la concierge, car la maison elle-même n'en avait pas, et elle me dit que c'était au premier étage en dessous. Car cette étrange bâtisse qui est collée au flanc de Montmartre, à son entrée, au dernier étage en haut, et on descend aux autres étages. J'arrivais donc devant cette porte, comme avait indiqué, comme étant celle de Picasso, qui était couvert de gribouillages d'amis qui donnaient des rendez-vous, enfin, Manolo chez Azon, Totot est venu, Dorin viendra cet après-midi. Si vous le permettez, restons encore un instant sur le palier, nous pousserons la porte de Picasso, mardi prochain, 25 avril, à 13h05. Vous venez d'entendre une émission de Francis Crémieux, Entretien avec Daniel-Henri Canveller. Comment je suis devenu marchand de tableaux. En effet, les auditeurs de France 3 National durent patienter une semaine, ce qui ne sera pas notre cas. La preuve, voici à l'instant la suite. veuillez écouter une émission de Francis Crémieux, entretien avec Daniel-Henri Canveller. Rencontre avec Picasso. Monsieur Canveller, la semaine dernière, nous vous avons accompagné jusqu'à la porte de Picasso, auquel vous rendiez visite pour la première fois, et nous avons interrompu votre récit. Je vous laisse continuer. Je frappais à la porte. Un jeune homme, les jambes nues, en chemise, la poitrine débraillée, m'ouvrit, me prit par la main et me fit entrer. Donc, j'entrai dans cette étrange pièce qui servait d'atelier à Picasso. Personne ne pourra jamais se faire idée de ce que c'est que la pauvreté, la misère lamentable qui n'aura pas connu ses ateliers dans la rue Ravignan. Celui de Gris était même peut-être encore pire que celui de Picasso. Lit le papier de tenture pendé en lambeaux des murs en planches. Il y avait une poussière sur toutes les choses, sur les toiles roulées, sur un divan défoncé. Il y avait à côté du poêle une sorte de montagne de lave agglomérée qui était les cendres. C'était épouvantable. C'est là-dedans qu'il vivait avec une très belle femme, Fernande, et un très gros chien qui s'appelait Frica. Il y avait aussi là ce grand tableau dont Oud m'avait parlé. Ce grand tableau que depuis on appelait les Demoiselles d'Avignon et qui constitue le point de départ du cubisme. Ce que je voudrais vous faire sentir immédiatement, c'est vraiment l'héroïsme incroyable d'un homme comme Picasso, dont la solitude morale à cette époque-là était quelque chose d'effrayant, car aucun de ses amis ne l'avait suivi. Le tableau qu'il avait peint là paraissait à tous quelque chose de fou ou de monstrueux. Braque, qui avait fait la connaissance de Picasso par Apollinaire, avait déclaré qu'il lui semblait que c'était comme si quelqu'un buvait du pétrole pour cracher du feu. Et Derain m'a dit à moi-même qu'on trouverait un jour Picasso pendu derrière son grand tableau, tellement cette entreprise paraissait désespérée. Tous ceux qui connaissent le tableau maintenant le voient dans l'état exactement auquel il était alors, car Picasso le considérait comme non terminé, mais il est resté exactement comme il était alors, c'est-à-dire avec les deux moitiés assez différentes. La moitié de gauche se rattachant encore à ses figures de l'époque rose, mais taillée à coups de hache, comme on disait alors, c'est modelé beaucoup plus fortement, tandis que l'autre côté, très coloré, est de toute évidence entièrement nouvelle et fait vraiment le point de départ d'un art nouveau. Puisque nous sommes à la recherche du temps perdu, vous souvenez-vous de votre premier dialogue avec Picasso devant cette toile? Ma foi, non. Ma foi, non. Mais je me souviens simplement qu'immédiatement, j'ai dû lui dire que je trouvais cette toile admirable. Car je la trouvais admirable, j'étais bouleversé. Et est-ce que c'est de cette première rencontre que date votre contrat non écrit avec lui? Oh non, c'est beaucoup plus tard. Picasso était, et d'ailleurs c'est, un homme beaucoup trop méfiant pour se lier immédiatement avec un petit jeune homme arrivé dont il savait tout et dont il ne pouvait évidemment pas savoir si son entreprise qui pouvait paraître folle allait durer. Non, j'ai acheté immédiatement des tableaux de Picasso et il n'y avait pas de concurrence, si j'ose dire. Il n'y avait pas besoin de faire des contrats ni rien du tout, comme personne d'autre n'en achetait. J'ai donc acheté des choses et j'ai continué. Et ça n'est que quelques années plus tard que nous sommes vraiment liés par un contrat à telles enseignes, d'ailleurs, que voilà, entre-temps, a encore acheté quelques tableaux en 1909 et même en 1910. Mais alors, très peu, d'ailleurs. L'état de pauvreté dans lequel était Picasso a, j'espère, changé, puisque vous lui achetiez des toiles. Et n'allons pas si fort. Picasso m'a dit bien plus tard, très justement, pour que des tableaux se vendent cher, il faut qu'ils aient été vendus très bon marché au début. Or, Je vends les tableaux de Picasso, d'ailleurs ceux des autres aussi, très bon marché, et je les payais donc très bon marché également. C'est-à-dire que, enfin, ça n'était plus la misère, mais enfin, ça n'était pas non plus la prospérité. Et est-ce que vous avez eu, avec Picasso, comme avec Derain et avec Vlaminck, des rapports autres que des rapports d'affaires? Nous avions des rapports d'amitié très sincères et très profondes. Enfin, on était très, très, très liés. J'avais avec Vlaminck, j'avais deux bateaux sur la Seine qui nous appartenaient en commun. Un voilier et un canot automobile. Enfin, puis avec Picasso, mon Dieu, nous passions des nuits à Montmartre, enfin... Nous allions le vendredi à Medrano et après dans les boîtes de nuit, dont une qui s'appelait le Ramor. C'est un endroit sordide d'ailleurs, et qui devait à cause de ça même lui plaire, lui rappelant les bordels de Barcelone, je suppose, n'est-ce pas? Enfin, nous avions les rapports les plus confiants. D'ailleurs, c'est tout ce qui subsiste de l'être de cette époque-là en porte bien témoignage. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une équipe d'amis faite non seulement de peintres, mais aussi de poètes, d'essayistes? Sans aucun doute, il y avait Apollinaire et Max Jacob, amis très intimes de Picasso, et il y avait aussi à cette époque-là Salmon, qui était très près d'eux et près de nous. Enfin. Et est-ce qu'il y avait des batailles d'idées, des batailles esthétiques entre eux, et quelles étaient-elles? Non, on ne peut pas dire qu'il y ait eu des batailles d'esthétique, parce que tout ceci, n'est-ce pas, toutes ces innovations, toutes ces découvertes, ou comme vous voudrez appeler ça, n'étaient pas formulées en paroles. Ça n'est que bien plus tard que d'abord les cubistes mineurs les ont formulées, et que Apollinaire a écrit aussi les peintres cubistes, enfin, où il a essayé également de formuler des idées à ce sujet, mais qui devaient d'ailleurs plus, je crois, aux peintres mineurs qu'aux vrais grands peintres. Quels sont les cubistes mineurs? Oh bien, c'est facile à vous dire. Il y en a qui sont oubliés, ou presque comme le Fauconnier. Il y en a d'autres qui ne sont moins oubliés, comme Glaise ou Metzinger, n'est-ce pas? Il y en avait encore d'autres à cette époque-là. Et ces cubistes mineurs ont exposé dans des salons? Oui, justement, là, j'allais vous raconter ceci. On croit toujours qu'un marchand de tableaux, l'ange des peintres, un grand fort, de coups de trompette ou de publicité, ou de... Primo, je n'ai pas dépensé un sou, même pour des annonces dans les journaux. La dernière exposition que j'ai faite, avant 14, a été celle de Braque, en 1908, novembre 1908, l'exposition même, où le nom de cubisme, enfin si vous voulez, apparut pour la première fois sous la plume de Vaucel. Et en plus de quoi, les peintres à qui j'achetais, d'accord avec moi, n'exposaient plus dans les salons. Je me contentais d'accrocher les tableaux. Vous comprenez, les peintres travaillaient tranquillement, je leur avançais de l'argent aussi longtemps que je n'avais pas les tableaux pour que je puisse vivre tranquillement. Ils apportaient les tableaux, on faisait les comptes, on accrochait les tableaux, et puis ceux que ça intéressait, venez voir. Et je dois vous dire qu'alors, à partir d'un certain moment, les quelques amateurs de ces peintres, car il y en a eu quelques-uns, mettons 5, 6, venaient immédiatement voir ces nouveaux tableaux, puis les quelques peintres et quelques enfin amateurs non capables d'acheter venaient aussi. Mais nous n'avons plus jamais exposé dans les salons, ce qui vous prouve bien, n'est-ce pas, le mépris absolu dans lequel nous tenions non seulement la critique, mais aussi la grande foule. On ne s'imagine plus ces choses-là aujourd'hui, parce que avec cette pseudo-peinture qui, à l'heure actuelle, foisonne dans les salons avec cet art appliqué prétentieux qu'on appelle abstraction et tachisme, il n'y a plus de quoi rire, ni se fâcher. Or, à cette époque-là, les gens se rendaient aux indépendants pour se fâcher et pour rire. Enfin, il y avait des bandes de gens devant tous les tableaux qui se tordaient ou qui poussaient des cris de fureur. Nous n'avions aucune envie de nous exposer ni à leur fureur, ni à leur rire. Donc, nous ne montrions plus les tableaux. Vous me parliez tout à l'heure du cubisme. J'ai sous les yeux l'extrait d'un article d'Apollinaire du 16 octobre 1911 dans le Mercure de France. Il écrit « Le nom de cubisme a été trouvé par le peintre Henri Matisse qui le prononça à propos de Picasso. » Et il continue « Les premiers tableaux étaient l'ouvrage de Georges Braque. » C'est comme tout ce qu'a écrit Apollinaire, complètement faux. Car Apollinaire est un admirable poète, à telles enseignes d'ailleurs, je peux le dire, puisque je suis son premier éditeur. J'ai donc vraiment le droit de dire qu'il est un admirable poète, mais que d'abord, il ne connaissait rien à la peinture, et qu'ensuite, il avait une sorte de besoin maladif, n'est-ce pas, de raconter des choses contraires aux faits. D'ailleurs, c'était un de ses axiomes, que ce qui est vrai n'est jamais intéressant. Il est possible que Matisse, je le disais moi-même à cette époque-là, mais enfin ça n'a jamais été prouvé, et jouait un tout petit rôle en ce sens que il a parlé de petits cubes, non pas à propos de Picasso, mais à propos de tableaux de Braque qui avaient été présentés au Salon d'automne en 1908. Et il était membre du jury. Là, on disait alors qu'il avait dit que Braque faisait des petits cubes. Ces tableaux ayant été refusés d'ailleurs, c'est moi qui les ai exposés dans l'exposition dont je vous ai parlé tout à l'heure, en novembre 1908. Mais celui qui a inventé le nom, il n'y a aucun doute, c'est Louis Vaucel, le critique d'art, qui avait déjà inventé le nom également ridicule de fauve pour les peintres de la génération précédente. Il a écrit, à cette époque-là, Braque peint des petits cubes. 6 mois après, il parlait du cubisme. Et le nom, par conséquent, est entièrement inventé par lui dès le début. À l'époque de la naissance du cubisme, dont vous avez été, disons, l'accoucheur, est-ce que vous vous rendiez compte de l'importance du cubisme dans l'évolution de la peinture, dans l'histoire de la peinture? Mais absolument, oui. Oui. Mais entièrement, n'est-ce pas? Je m'en rendais entièrement compte, je n'avais pas le moindre doute, ni quant à la valeur, enfin, esthétique de ce tableau, ni à leur importance dans l'évolution de la peinture. Car, je puis bien vous le dire, je ne connaissais pas le commerce de la peinture, mais je connaissais la peinture. Et j'avais visité les musées dès mon plus jeune âge, avec passion, partout en Europe. Mais est-ce que vous pensiez qu'il y aurait quelque chose après le cubisme? Ou est-ce que vous pensiez que cela pouvait durer très longtemps? Mais cette question me paraît curieuse en ce sens qu'il y a toujours autre chose après. L'histoire de la peinture m'avait montré que la peinture est en transformation complète. La peinture exprime, la vraie peinture exprime quelque chose d'essentiel de l'époque. Mais les époques changent et par conséquent la peinture change aussi. Ce que j'ai écrit alors, ce que je soutiendrai toujours, c'est que après le cubisme, la peinture ne pourra plus jamais être ce qu'elle a été avant, qu'il restera toujours quelque chose de cette influence du cubisme. Mais déjà, la génération d'après, enfin mettons, génération surréaliste si vous voulez, pour donner un nom, n'est-ce pas, eh bien, il y a bien des traces de l'influence du cubisme, mais les bulles sont tout à fait différentes. Il semble à vous entendre que ces peintres étaient avant tout des travailleurs, très peu provocateurs, très peu batailleurs, comme l'ont été les surréalistes. Il y avait à ce moment-là également, d'ailleurs un peu plus tard, d'autres qui étaient encore plus batailleurs que les surréalistes, à savoir les futuristes. Qu'eux se battaient à coups de poing dans toute leur réunion. Mais c'était exactement le contraire de ce que nous voulions. Ces peintres ne demandaient qu'à travailler, ils ne demandaient pas du tout à provoquer. Ils étaient sûrs de leur faire, ils voulaient faire leur travail, et c'est tout. S'ils avaient cherché le scandale, ils auraient exposé, mais ils ne tenaient pas du tout au scandale. À quoi bon le scandale? Si on veut travailler, on travaille tranquillement. Mais alors, comme je vous ai dit, avec une certitude absolue. Je me rappelle une certaine lettre de Picasso, qui est bien la chose la plus étonnante qu'un peintre ait jamais écrit à un marchand de tableaux. Une lettre en réponse à une lettre de moi, où je lui disais qu'un de nos amateurs les plus fidèles n'aimait pas ces choses les plus récentes. Picasso me répondant, c'est très bien comme ça, qui n'aime pas ça, nous arriverons bien à dégoûter tout le monde. Et est-ce que vous pouvez nous raconter des souvenirs et des anecdotes sur les rencontres entre ces peintres. Car nous ne voyons pas très bien ce qu'étaient les dimanches, les samedis, la vie de tous les jours. Il n'y avait ni dimanche ni samedi, il y avait le travail constamment. Dorin et Vlaminck se situent d'une façon tout à fait différente. Vlaminck habitait encore à ce moment-là du côté de Rueil, d'abord en bas, ensuite en haut à la Jonchère, ensuite à Saint-Michel. Dorin, lui, de son côté, habitait à cette époque-là rue de Tourlac, est allé habiter ensuite rue Bonaparte. Quant à Picasso et Braque, n'est-ce pas, Picasso était encore dans la rue Ravignan, Braque était à cette époque-là en face du, ce que s'appelait le théâtre Montmartre, qui est maintenant l'atelier, n'est-ce pas. Et il travaillait, ensuite il se retrouvait vers 5 heures, et tous les soirs à 5 heures, il descendait chez moi, à la rue Vignon. Maintenant, j'ai une galerie avec beaucoup d'employés, et je n'arrive pas à avoir une minute à moi. À cette époque-là, ma liberté était complète. J'allais le matin chez les peintres, l'après-midi, mon Dieu, même avec Braque, avec Dorin, avec Vlaminck, jouer aux échecs. Il est probable qu'il venait très peu de gens, mais il en venait donc tout de même assez pour que ses affaires puissent marcher, pour que les peintres puissent vivre, pour que moi je puisse vivre avec ma femme, pour que je puisse faire vivre la galerie, et pour que les peintres puissent avoir chaque année un peu plus d'argent et leurs tableaux augmentés. Il est très difficile de comprendre ça. Maintenant, je n'avais même pas le téléphone d'ailleurs. C'était une très étrange affaire au fond. Donc le soir, ils arrivaient, blaguait. Je me rappelle un jour, une fin de mois, soit ils venaient chercher de l'argent, ils arrivèrent au jour aux ouvriers en tournant leur casquette dans leurs mains. Patron, on vient pour la paye. Il faut vous dire combien nos relations étaient amicales, étaient confiantes. Pas du tout, enfin, comme on s'imagine, enfin, la lutte entre le peintre et le marchand, mais tout au contraire, la collaboration la plus confiante. Nous allions au Lapin Agile en hiver dans cette espèce d'antre enfumé où Frédé, avec sa grande barbe, jouait de la guitare en chantant. En été, en plein air, je me rappelle les nuits tièdes d'été avec le Paris illuminé à nos pieds. Voilà notre vie, qui était une vie simple et vraiment sans souci, parce que je vous le répéterai toujours, nous étions sûrs de la victoire, nous étions sûrs de nous. Et puis alors, il y a eu les étés, évidemment, où les peintres allaient généralement dans le midi, comme vous savez sans doute, Picasso a passé pas mal d'étés à Céret, d'autres étés à Sorgues, Braque la même chose, Dorin lui aussi allait presque toujours dans le midi, par contre, Vlaminck n'a jamais quitté la banlieue parisienne, sauf une ou deux fois. Il n'aimait que la banlieue parisienne. Quant à Vendonguen, que je situe tout à l'heure, mes relations avec lui n'ont pas duré très longtemps parce que sa peinture a pris une tournure tout à fait différente, à savoir le portrait mondain. Vous me parliez de Serret. N'est-ce pas à Serret qu'au cours d'une assez longue cohabitation, Braque et Picasso peignaient côte à côte et décidèrent de ne plus signer leur toile? Quelle est la vérité là-dessus? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, il y a là une confusion absolue. Ils n'ont jamais peint côte à côte, et ils n'ont jamais voulu qu'il y ait confusion entre leurs toiles, à telles enseignes que leurs toiles sont toujours signées. Seulement, les toiles sont signées derrière, et non pas devant. Parce qu'on estimait alors que la signature sur la toile devait même forcément déranger la construction, la composition de la toile, qu'on voulait tellement forte et solide que même la signature dérangeait cette composition. Mais les toiles sont toujours signées par derrière. Donc, il n'y a pas du tout une idée de confusion des toiles qu'un Picasso puisse passer pour un Braque. D'ailleurs, malgré la parenté très étroite des idées, on les distingue. Bien sûr, mais il y a tout de même quelque chose de vrai dans cette amitié, peut-être encore plus profonde, de Picasso et de Braque qu'avec d'autres peintres. C'est vrai, c'était une amitié fraternelle et vraiment une collaboration au moins d'idées de tous les jours. Vous l'avez vu naître? Absolument, oui, je l'ai vu naître, je l'ai vu continuer. Et elle s'est terminée, comme tout s'est terminé d'ailleurs, après tout, en 1914. Picasso m'a dit, bien des années plus tard, le 2 août 1914, j'ai conduit Braque et Derain à la gare d'Avignon. Ils étaient mobilisés, n'est-ce pas ? Je ne les ai jamais revus. C'est une métaphore, comme bien vous pensez. Il les a revus. Mais il voulait dire par là que jamais plus ça n'a été cette amitié. En dehors de Picasso et de Braque, en dehors de Vlaminck et de Derain, qui furent vos premières rencontres à Paris en 1907, pouvez-vous nous parler de votre prise de contact avec des hommes comme Fernand Léger, comme Manolo, et surtout de votre grand ami Juan Gris? Bien volontiers. Tout ceci, bien entendu, s'est fait sur la base de la peinture. J'ai connu Léger en 1910. Il avait exposé aux Indépendants son grand tableau qui s'appelle « Les nus dans la forêt ». Et ce tableau-là, même à cette époque, avait fait sensation. Vaucelle, qui avait inventé le nom de cubisme, avait parlé de tubisme à propos de ce tableau. Et Picasso m'avait dit, Picasso qui aimait ce tableau, m'avait dit, vous voyez, voilà un garçon qui apporte quelque chose de nouveau, puisqu'on ne lui donne même pas le même nom qu'à nous. C'est à ce moment-là, donc, que je me suis mis à fréquenter l'atelier de Léger, et un peu de temps après, avec lui également, j'ai fait un contrat, dont j'ai encore l'original d'ailleurs. Léger racontait, à propos de ce contrat, bien des années plus tard, qu'il l'avait montré à sa mère, vieille paysanne, n'est-ce pas, de Normandie, n'est-ce pas, pour lui prouver qu'il était capable de faire quelque chose, même de gagner de l'argent, et que sa mère n'avait absolument pas voulu croire que c'était vrai, et qu'il avait soumis le document à l'oncle notaire, car il y avait un oncle notaire qui avait confirmé que c'était vraiment là un contrat qui tenait debout, que néanmoins sa mère n'avait pas vraiment voulu le croire. À partir de ce moment-là, donc, Léger est devenu un des peintres de la rue Vignon, et Gris, que je connaissais depuis beaucoup plus longtemps, a suivi de très près. Gris habitait au bateau Lavoir, lui aussi. Il habitait l'atelier à gauche de l'entrée, les deux fenêtres qui donnaient sur la place. Et je le voyais travailler là quand j'allais chez Picasso, et par Picasso, je l'ai connu bientôt. Il est arrivé à Paris en 1906. Il a donc assisté au début du cubisme de Picasso et de Braque, et qui lui a paru la voie normale et naturelle. C'est dans cette direction-là qu'il s'est mis à travailler lui aussi. Et Manolo, parlez-nous de Manolo. Ah, Manolo, ça... Parce que votre ami Juan Gris avait de sérieux accrochages avec lui, alors. Plus tard, à ses rêves, oui. Ils étaient très amis, mais enfin, au point de vue des idées, ils ne s'entendaient pas du tout. Manolo a été marqué pour toute la vie par ce qu'on a appelé l'école romane. Il avait été ami de Moréas, qui a été toujours sa grande admiration. D'ailleurs, il y avait... de Moréas qui commence, de Don Caramuel, Manolo suit la trace, enfin. Lui, le cubisme, lui a été toujours très, très étranger. C'était un homme intelligent, fin, mais lui manquait quelque chose à ce point de vue-là. Il voyait ça avec le bon sens du paysan. Il y a cette célèbre phrase de lui, qu'il a vraiment dite à Picasso, devant un tableau de Picasso, que dirais-tu si tes parents t'attendaient à la gare de Barcelone avec des gueules comme ça? Ça, c'est enfantin, parce qu'il y a cette confusion si fréquente du signe et du signifié. Ceci dit, Manolo était un personnage absolument extraordinaire. On a vu un grand sculpteur à qui on ne rend pas encore entièrement justice. Mais comme je suis optimiste, je suis convaincu que ça viendra un jour. Mais sa sculpture était nettement classiciste. C'était un homme qui avait évidemment traversé des années de misère épouvantable, mais qui les avait traversées avec une allure picaresque que je n'ai connue à personne d'autre. Toutes les petites filouteries de Manolo qu'on raconte, mais elles sont légion, n'est-ce pas? Elles sont quelquefois très drôles. Une des moindres, c'est la loterie, et dont il vendait les billets pour qu'on gagne une de ses sculptures qui n'existait pas, que bien entendu, personne n'a jamais gagné. Il y en a mille autres comme ça. Il y en a une très belle, avec moi-même d'ailleurs. Manolo était installé à Céret. Je lui envoyais chaque mois une certaine somme de quoi vivre, lui et sa femme. Un beau jour, il m'écrivit qu'il avait l'intention de faire des grandes sculptures, mais que pour faire ces grandes sculptures, il lui fallait un supplément, étant donné qu'elle provoquait évidemment des frais supplémentaires. J'acceptais, et pendant des mois, 6 mois, 8 mois, je ne me souviens plus, ou davantage, j'envoyais donc le mois augmenté de cette façon-là. Manolo me parlait de ce qu'il faisait, et un beau jour, je reçois une lettre où Manolo me dit « Je viens d'expédier une sculpture. C'est une femme accroupie qui, si elle se levait, aurait 1,50 m de haut. Vous pensez bien qu'en réalité, elle avait quelque chose comme 40 cm de haut. Alors, évidemment, si elle s'était levée, oui, mais... Vous avez dû rire le premier. Ah, j'ai beaucoup ri, et voilà tout. Je trouvais que c'était une excellente plaisanterie. Mais voilà Manolo, n'est-ce pas? Vous comprenez, nous vivions dans une atmosphère d'euphorie, d'enthousiasme, qu'on ne peut plus guère s'imaginer. Et les œuvres des poètes, Apollinaire et Max à ce moment-là, Roberti n'est venu qu'un peu plus tard, comme vous le savez, ça représentait pour nous quelque chose de formidable. Mais nous tous, nous savions, ma femme savait la chanson du mal-aimé par cœur. D'autre part, ces poètes n'avaient pas d'éditeur à ce moment-là. C'est ainsi que l'idée m'est venue de faire des éditions avec ces poètes-là, illustrés par leurs amis les peintres. Ce sont les admirables éditions de Vollard, par exemple. Ce sont tous des textes plus anciens réédités. Tandis que dans ce que j'ai édité, il s'agissait toujours de premières éditions et généralement de gens qui n'avaient jamais été édités. Mais vous éditiez tout de même des livres que l'on appelle aujourd'hui de luxe, le tirage. Rien que de luxe. Non, je n'ai jamais édité autre chose. Tous ces livres-là sont tirés à 100 exemplaires. C'est tout. Mais alors cela ne pouvait tout de même pas servir à répandre la poésie de vos amis à 100 exemplaires. Ça la répandait tout de même un peu. Et surtout, ça encourageait d'autres éditeurs à plus gros tirages ensuite, n'est-ce pas? Apollinaire ou Max pouvaient montrer tout de même des livres édités. S'ils pouvaient encourager le Mercure de France, par exemple, à éditer Apollinaire. Et les peintres aimaient et connaissaient aussi ses poèmes. Absolument. C'était l'osmose. Absolument. Picasso avait un sens très aigu de la poésie française. Apollinaire me disait, même il y a quelques années, quand il parlait à peine français, il est absolument apte à juger, à goûter immédiatement la beauté d'un poème. Et c'est vrai. D'ailleurs, depuis, il a écrit lui-même des poèmes admirables, Picasso, comme vous le savez, en espagnol et en français. Vous venez d'entendre une émission de Francis Crémieux, Entretien avec Daniel-Henri Canveller, Rencontre avec Picasso. Ces entretiens avec Daniel-Henri Canveller, proposés par Francis Crémieux, ont été diffusés pour la première fois sur France 3 Nationale les 18 et 25 avril 1961. Vous pourrez les réécouter en ligne ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.